Allez, on va raconter la bagarre entre une cigarette et un homme. Inversement vrai. Piras, le frère de notre ami Bruno, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Ouais, son anniversaire, il est pas là, je lui en veux, pas trop quand même. Et ouais, c'est mon frère qui l'a écrit, et bon, c'est l'histoire d'une clope et cette saleté. Enfin voilà, vous allez voir, et entendre plutôt. J'ai pu l'aimer à ce point, de ma dernière soirée à ce premier matin. Une putain de belle histoire, oui, à noircir tous mes grimoires. Elle qui en le passe pour moi ne me faisait pas que du bien. Elle qui me tord l'esprit, elle qui me résiste. Basta! Fini, j'ai décidé, je la quitte. Son odeur, oui, j'aime encore la deviner. Je ne sais pas, ça me rassurait. Ça me rendait gai, oui, mais désespéré à ses côtés. Encore plein d'autres soirées. L'aventure m'hasardait chez elle. La routine des mots est mortelle. Ces mots forment une grande ronde à laquelle j'aimerais une dernière fois l'inviter et m'entendre lui dire au revoir. Oui, d'un trait, d'un je t'aime trop. Ou pourquoi pas, tu m'abîmes encore plus haut. C'est juste parce que justement je n'ai pas raison de le faire ou un milliard d'infimes. Si t'en veux absolument une, je remets mon chapeau et garde pour moi désormais mes mots. Ouais, je garde pour moi mes mots. D'une aspiration à un souffle. Ensemble, en fait, seul, de la cuisine à l'oreiller, se défoncer, se laisser aller. Excuse-moi si parfois je t'ai déchiré. Je testais là tes contre. Vérité, tu n'es que papier et mélange. Étaient devenus ces instants, ils en devenaient presque précieux. Je m'éloigne d'elle, j'essaie. La partie n'est jamais gagnée quand est-elle droguée. Que mon world la prenne, des blondes, des brunes, des framboises, des gauloises. N'importe quel goût ira. que je la toise. Au fait, que je la toise. Au fait, que je la toise. Au fait, ai-je dit combien je te trouvais belle? Tu as raison, ah, mes journées encore plus longues. Ton absence est bien chaque jour passé. Un jour de gagné, un jour de gagné. Adieu ma belle amie, tu t'es consumée, et il est temps de rejoindre ton nouvel endroit, le cendrier. À ce soir pour une nouvelle, oui, farcis-moi dans la tête, que je me fête et m'entête à encore me délivrer de toi. Via cette lettre, une heure de nuit, ça ferait combien? Une éternité d'années. Allumer.